Martine va nous parler pendant 45 minutes du populisme de gauche. Je ne vais pas faire d'intro parce qu'il a besoin de temps pour s'en exposer. Donc je t'en prie, vas-y. Bon, il y a à peu près un mois, je ne me souviens pas de la date exacte, c'était les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers, et donc de l'éclatement de la crise financière, qui était l'éclatement, le début de la crise la plus importante que le capitalisme a vue au moins depuis les années 30, ou même de l'histoire du capitalisme même. Nous, à la tendance marxiste internationale, on insiste toujours sur le fait que ça, c'était vraiment le début d'une nouvelle époque qui a commencé, qu'on est entré dans une nouvelle phase. Et c'est pas seulement qu'il y a 10 ans que cette crise a... que ce sont 10 ans de l'éclatement de la crise, mais on a vu 10 ans de crise. Je veux dire par là que la crise n'a jamais vraiment arrêté, elle a toujours continué, on n'est pas sorti de la crise, elle est encore là, la crise. Et la bourgeoisie, partout dans le monde, dans tous les pays, elle a réagi à cette crise avec une attaque frontale à la classe ouvrière. On a vu 10 ans de la politique d'austérité, 10 ans d'aggravation des conditions de travail, des conditions de vie. Et tout ça, ça a provoqué une sorte de crise politique et sociale. La conséquence de tout ça, c'est que la conscience des masses, la conscience d'une vaste partie de la population est en train de changer également. La plupart des jeunes, des salariés, des jeunes voient que leur perspective de vie ne s'améliore pas. Qui sont en fait pires que les perspectives de vie que leurs parents. Et la conséquence de tout ça, de cette aggravation et du changement dans la conscience des masses, c'est que les partis traditionnels ont toujours plus de peine à gagner le soutien des masses. Le soutien pendant les élections et également, finalement, toujours plus de problèmes pour former des gouvernements. On a vu des partis qui ont gouverné pendant des décennies, qui perdent leur crédibilité parce qu'ils s'attaquent la classe ouvrière avec la politique d'austérité, et qui perdent donc leur soutien dans la population. Et la conséquence de ça, c'est qu'on voit partout une polarisation politique et une polarisation sociale. On voit toujours des nouveaux partis qui sont en train d'émerger à droite et à gauche. C'est pour ça que c'est en polarisation politique, justement. Et on peut dire que ce sont des partis et des mouvements qui arrivent à canaliser une partie de ce mécontentement qui est très répandu dans la population. Et pourquoi ils arrivent à canaliser ce mécontentement, c'est surtout parce qu'ils disent qu'ils prétendent donner une alternative. Ils disent qu'on veut une rupture avec la politique actuelle, avec le statu quo et avec la politique qui est politique de crise qu'on a menée jusqu'à maintenant. Donc, le succès de ce parti et de ce mouvement, il se base sur le rejet de ce que souvent est appelé le establishment. Donc, c'est une politique de rupture, une politique anti-establishment. Pour donner quelques exemples pour ce phénomène, je pense que vous le savez tous, qu'aux États-Unis, un exemple très clair pour cette polarisation, c'est qu'en même temps, on a vu les grandes compagnies de Bernie Sanders et de Trump, mais on a également d'autres exemples comme le Brexit en Grande-Bretagne et le glissement vers la gauche au sein du parti travailliste avec Jeremy Corbyn. On a vu la montée de l'AfD en Allemagne, de Salvini en Italie et plein d'autres exemples. Souvent, dans les médias, on ne mentionne que la droite et pas tellement de gauche, mais il faut bien être clair qu'il s'agit d'une polarisation. Ce n'est pas un hasard que les médias ils, ils, ils n'insistent que sur la montée de la droite. C'est pas parce qu'ils ont plus peur de la droite que de la gauche, mais c'est une stratégie consciente d'invisibiliser les résistances des masses. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'une grande partie de la gauche, elle croit la même chose. Elle voit que la montée de la droite, mais pas qu'il y a une grande résistance qui est là, qui a également quelque chose qui se passe à gauche. Mais justement, je veux insister sur ce fait qu'on a vu également l'émergence de mouvements à gauche, de nouveaux partis. J'ai déjà mentionné Sanders et Corbyn, mais également on a vu le phénomène de Syriza, la montée de Syriza et déjà la chute de Syriza, mais également la France Insoumise ou Podemos, donner quelques exemples. On pourrait également ajouter à cette même liste les phénomènes en Amérique latine. Il y a déjà à peu près plus de 10 ans, dans la décennie précédente, de Chavez, Morales et Correa. Tous ces partis et ces personnes sont souvent décrits comme des populistes, surtout dans les médias. Et le terme du populisme, c'est surtout utilisé de manière péjorative pour décrire que ces personnes se dirigent vers les masses, qui sont décrites comme une foule stupide. Et ce sont donc des politiciens qui utilisent de la démagogie pour se diriger vers les masses, finalement. Mais c'est clair que... ils disent que justement c'est de la démagogie et ils n'ont pas de solution rationnelle à proposer, mais c'est assez clair que la rationalité dans ce cas, ça veut uniquement dire que accepter qu'il n'y a pas d'alternative à la politique bourgeoise de la crise. Donc comme j'ai déjà dit, le terme populisme c'est surtout utilisé de manière péjorative comme quelque chose de négatif, mais après il y a également des personnages, des théoriciens comme Chantal Mouffe et Ernesto Laclau qui disent que c'est quelque chose de bon, qui essayent d'utiliser ce terme de manière positive. Et eux, ils se revendiquent offensivement d'un populisme de gauche. Ils disent que c'est ça ce qu'il nous faut maintenant, un populisme de gauche. Et ils veulent également, ils prétendent être l'expression théorique de ces mêmes phénomènes que j'ai déjà mentionnés, comme Syriza ou Podemos. C'est surtout de ça que j'aimerais parler, de cette question, si cette théorie, si cette approche du populisme de gauche est vraiment une solution, si c'est vraiment ça dont on a besoin en ce moment. Juste un petit mot sur la question de cette théorie et la pratique de ces mouvements que j'ai déjà mentionnés. Je veux juste insister sur le fait que c'est pas comme si Laclau et Mouffe élaborer une théorie et après des mouvements comme Syriza et Podemos le mettraient en pratique. Il faut être clair que la base matérielle de l'émergence de ce populisme de gauche, si on veut utiliser ce terme, c'est vraiment la raison pour la polarisation politique, c'est la crise du capitalisme et le fait qu'il y a un vide politique qui doit être rempli. Du coup, c'est vraiment pour cette raison de la crise du capitalisme qu'on voit partout à peu près des phénomènes semblables. C'est pas juste parce que tout le monde, que Mélenchon ou Iglesias de Podemos suivent la même théorie de Laclau et de Mouffe. Là, il faut être assez clair. Mais en même temps, il faut également dire que Mouffe a une certaine... Surtout Mouffe, parce qu'elle vit encore, elle écrit encore des livres. Ernesto Laclau, il est déjà mort. Qu'elle a une certaine influence sur ses politiques. Elle est toujours en contact avec les dirigeants. Elle a écrit un livre, par exemple, avec un dirigeant de Podemos, avec Errejón. Du coup, elle a une certaine influence. Une deuxième remarque, deuxième parenthèse, c'est que sur le terme du populisme de gauche, Je pense que ça va devenir clair assez vite dans ce qui suit, mais le terme populisme ou le populisme, même selon l'approche de la Clau et de MOVE, n'est qu'une méthode qui est vide de contenu. Il n'y a pas de contenu dans cette méthode. Et pour nous, c'est clair que ce qui est important, c'est le contenu politique de ces mouvements. Ce n'est pas de les décrire de populistes ou pas populistes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière. Et le contenu politique de ces différents mouvements, on peut dire que c'est le réformisme de gauche ou même le réformisme tout court. Je veux dire que par là que l'objectif de ces mouvements n'est pas de rompre avec le capitalisme, ou s'ils disent qu'ils veulent rompre avec le capitalisme, ils veulent avoir une transition vers le socialisme par le moyen des institutions bourgeoises. C'est pour ça qu'ils disent souvent qu'il faut démocratiser l'État tel qu'il existe maintenant. C'est juste pour donner un exemple. Mais ça veut dire que pour eux, les institutions bourgeoises, elles persistent et ils rejettent l'idée que nous, les marxistes, on défend qu'il faut dépasser l'État bourgeois et que la classe prolétaire, en tant que classe prolétaire, doit prendre le pouvoir pour se créer ses propres institutions démocratiques. Donc un nouveau État ouvrier. Oui, mais déjà, on peut quand même dire qu'on peut utiliser ce terme de réformisme de gauche juste pour décrire que dans la plupart des cas, il se distancie de la social-démocratie telle qu'on l'a vue ces derniers temps. Ils veulent se positionner à la gauche de la social-démocratie dans la plupart des cas. Et c'est également pour ça que c'est un point d'attraction pour des grandes couches de la population, parce qu'ils se positionnent à gauche et ils rejettent souvent la politique d'austérité. Par ailleurs, ce qui est commun à peu près tous ces mouvements et partis du réformisme de gauche, c'est qu'ils ont plus une politique du rejet du néolibéralisme que du capitalisme. Ça, c'est quelque chose qui me semble important pour garder en tête, même si je ne vais pas trop le développer ou pas du tout le développer dans cet exposé, mais peut-être c'est quelque chose pour la discussion après. Mais si je caractérise maintenant ces mouvements comme réformistes, ou réformiste gauche, il faut quand même être très clair que ces partis et mouvements, ils ont réussi à donner une expression à ces mobilisations de masse et au changement de la conscience de classe, et que tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous, selon notre vision. Et comme on l'a déjà vu dans les autres ateliers, on l'a pas mal discuté, notre approche envers les masses, on ne va pas juste être à côté de ces mobilisations et dire « ouais, ce sont tous des réformistes, ce ne sont pas des révolutionnaires, du coup on n'a rien à foutre dans ce mouvement, on ne va pas participer ». Nous, on l'a déjà dit plusieurs fois, nous on est partout, les masses des travailleurs et de la jeunesse commencent à se mobiliser pour montrer justement quelles sont les limites de direction qui sont les directions de ce mouvement. Donc également là, nous soutenons ces processus tout en étant clairs sur les limites que justement notre approche doit toujours être que toutes ces belles choses, ces bonnes choses que Mélenchon et Corbyn ont dans leur programme, que tout ça, c'est uniquement réalisable si on est prêt à rompre avec le capitalisme, mais que c'est utopique si on veut mettre en pratique leur programme au sein de ce système. J'espère que dans la discussion après, il va y avoir plein d'interventions sur ces cas pratiques, sur ces mouvements dans les différents pays, et également sur leurs limites et comment intervenir dans ces mouvements. Je pense qu'il y a plein d'exemples où on voit très bien les limites. Si on regarde par exemple déjà l'échec de Syriza ou de la révolution bolivarienne en Venezuela, mais on peut également parler d'autres exemples. Moi, comme j'ai déjà dit, je veux à partir de maintenant surtout me concentrer sur la théorie de Laclau et de Mouffe. Et avec l'objectif de montrer que finalement c'est une théorie très limitée qui à un certain point devient absolument contre-productif et réactionnaire, on peut le dire. Juste pour résumer un peu ce qu'ils disent, ou surtout ce que Chantal Mouffe raconte tout le temps pendant cette phase-là. Peut-être vous avez déjà lu cette histoire dans les médias. C'est toujours à peu près la même chose qu'elle raconte. C'est toujours un peu l'histoire que le néolibéralisme depuis les années 90 ou 80, je veux plutôt dire, a miné la démocratie. Et que par conséquent, ou dans ce processus, la social-démocratie s'est assimilée au parti bourgeois. Et que tout ça, ça a mené à un rassemblement inidentifiable dans le centre politique où tout le monde fait juste la même politique néolibérale et que finalement la social-démocratie n'est plus... On n'arrive plus à la distinguer des autres partis. Et du coup, les gouvernements qui sont un peu des gouvernements du centre néolibéral, comme elle le dit, se distancient du peuple et gouvernent technocratiquement en imposant des mesures néolibérales et perdent donc vraiment la connexion avec la population. Et Chantal Mouffe, elle appelle ça la post-politique ou la post-démocratie. Elle veut dire par là qu'il n'y a plus vraiment des véritables confrontations politiques, justement parce que tout le monde fait la même politique néolibérale. Et selon l'histoire qu'elle raconte, la crise financière de 2008, elle a bouleversé cette hégémonie néolibérale et a ouvert la possibilité pour l'émergence de nouveaux partis, d'une nouvelle politique. Elle dit qu'il y a une résistance du peuple contre cette post-démocratie, contre cette post-politique qui se manifeste dans la montée du populisme. Et le populisme, selon la définition de Mouffe et de Laclau, est une manière de construire le politique en établissant une frontière qui divise la société en deux camps, en appelant à la mobilisation des défavorisés contre ceux qui sont au pouvoir. Donc la logique de cette méthode populiste, c'est qu'on construit un « nous » par l'opposition contre le « eux ». On construit le peuple ou le « nous » en établissant une lignée de démarcation vers un ennemi commun. Et après, le point crucial dans cet argument, c'est que... ce « nous », ce peuple, peut être construit de manière différente. C'est important de voir comment on établit cette ligne de démarcation. Par exemple, on peut faire appel à la souveraineté nationale et à l'identité nationale et se mobiliser contre les étrangers et contre les technocrates de l'Union européenne, par exemple. Et c'est ce qu'elle décrit comme un populisme de droite, où on peut établir une ligne de démarcation plutôt entre les 99%, par exemple, contre une élite riche, une oligarchie, comme l'appelle Chantal Mouffe elle-même, ou une caste politique, comme l'appelle Podemos, par exemple. Et ça, ce serait donc un exemple ou la logique du populisme de gauche. Et selon Mouffe, aujourd'hui, il s'agit d'une lutte entre ces deux formes de populisme. Si c'est le populisme de la droite qui gagne, des formes plus autoritaires et plus nationalistes du néolibéralisme s'imposent. Si c'est le populisme de la gauche qui gagne, alors on peut rétablir et approfondir la démocratie. Bref, selon Mouffe, la logique ou le but du populisme de gauche, c'est d'établir cette ligne de démarcation, établir un ennemi commun et réunir un groupe qui, selon elle, est surtout un groupe qui est composé entre les travailleurs, des immigrés, des féministes et LGBTQ, les classes moyennes contre une oligarchie. Maintenant, à mon avis, on pourrait dire que de première vue, il y a certaines choses qui sont vraies dans cette histoire qu'elle raconte. On peut dire qu'elle comprend la polarisation politique, elle comprend que la polarisation politique est le résultat d'une crise, et elle reconnaît également que maintenant, actuellement, une politique qui a du succès, c'est une politique qui mobilise contre la politique actuelle, contre le statu quo. Mais j'aimerais montrer maintenant que cette analyse plus ou moins juste en apparence se base sur un fondement théorique postmoderne, poststructuraliste on peut dire, qui débouche sur des conclusions politiques complètement fausses. Et j'ai déjà mentionné une de ces conclusions qui est cruciale à mon avis, qu'il va s'agir de sauver la démocratie bourgeoise au lieu de dépasser le capitalisme finalement. Moi, je dirais que cette théorie, elle correspond assez bien à une certaine étape dans le développement de la conscience de classe, de développement de la conscience des masses, parce qu'elle connecte assez bien avec ce glissement vers le gauche, comme j'ai déjà dit. Et ça, on pourrait dire que c'est peut-être un côté progressiste de tout ça, mais en même temps, il s'agit d'un résidu théorique d'une période dépassée. Et qu'est-ce que je veux... Finalement, c'est ça le problème de toute cette théorie, comme je vais le montrer maintenant. Et qu'est-ce que je veux dire par un résidu théorique du passé? Je fais référence à l'émergence de cette théorie. Je fais référence au contexte de l'émergence de ce qu'on appelle des idées postmodernes. Pour comprendre l'émergence ou la montée de ces idées postmodernes qui ont connu une certaine influence au sein de différents milieux de la gauche, surtout des milieux académiques, mais dans toute la gauche, c'est important de voir ce qui s'est passé dans les années 70 surtout. C'est important de voir que les années 70, c'était une décennie de crise, c'était une décennie de révolution et de contre-révolution, c'était une décennie de forte lutte sociale, et que finalement, le mai 68, on a les 50 ans de mai 68, ça c'était que le début. Après, il y a plein de luttes à échelle mondiale qui ont suivi. Et toute cette lutte ont été perdues par la mauvaise direction des partis staliniens, des partis réformistes, et tout ça a débouché sur une défaite de la classe ouvrière à niveau mondial. Et le néolibéralisme, il parle toujours du néolibéralisme, ces théoriciens comme Laclau et Mouffe, ça c'est vraiment une réponse à cette défaite des luttes de classe des années 70. Et les idées postmodernes, en quelque sorte, sont également une réponse à ces défaites. C'est, ce que je veux dire, c'est finalement, ces défaites de la classe ouvrière ont provoqué tout un reflux de la lutte de classe et une désillusion générale au sein de la classe ouvrière. Et dans les milieux académiques où ont émergé ces idées postmodernes, l'idée est devenue dominante que, vu que les révolutions n'ont pas marché, la classe ouvrière, elle n'existe pas, ou les classes ouvrières, elle n'est pas révolutionnaire. Ça veut dire que ces milieux, ils ont surtout perdu toute leur confiance dans la classe ouvrière, mais ils ont également perdu toute leur confiance ou toute leur croyance dans la possibilité d'un progrès social ou même de comprendre le fonctionnement de la société. Et encore plus, ils ont perdu tout espoir de pouvoir changer la société. Si on ne comprend pas la société, si on rejette l'idée de pouvoir la comprendre, on ne va pas pouvoir la changer finalement. Et Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, ils viennent exactement de ce contexte-là. Leur ouvrage le plus important a été écrit en 1985. Cet ouvrage s'appelle « Hégémonie et stratégie socialiste », même si ça n'a rien à voir avec la stratégie socialiste. Mais bon, c'est le titre de ce livre. Et là, ils ont établi leur base théorique pour tout leur développement théorique jusqu'à maintenant. Donc, s'ils parlent aujourd'hui du populisme, ils se basent sur cette même théorie. Et je trouve important de mentionner que ce livre, qui était également une réponse à ces défaites des luttes sociales des années 70, mais s'inscrit dans ce contexte de désillusion générale, était vraiment une attaque frontale contre le marxisme. Et avec cet ouvrage, ils ont fondé ce qu'eux, ils appellent le post-marxisme, donc le post dans le sens de dépasser le marxisme. Et la plus grande, la première partie, presque la moitié de ce livre, consiste dans une attaque ou une évaluation des différents courants socialistes et marxistes dans le passé, pour montrer que le marxisme est obsolète et qu'il faut le dépasser. Et à mon avis, si on lit ce livre, ce qui devient assez vite clair, c'est qu'ils n'ont jamais même compris ce qu'est le marxisme, et ils s'attaquent fondamentalement à une caricature staliniste du marxisme. Mais il prétend démontrer que le marxisme est obsolète et qu'il faut le dépasser. Et ils le font toujours avec l'argument que le projet socialiste, c'est quelque chose de bon, mais les idées marxistes ont des limites et il faut les dépasser. Donc, ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que ça, ils le présentent pas comme une attaque contre le marxisme de la droite, mais plutôt comme nous on est les vrais marxistes, mais on est juste un peu plus intelligents que les autres, les vieux marxistes, et du coup on progresse. C'est un peu ça l'argument qui le rend dangereux. Maintenant, je peux pas faire une introduction au postmodernisme, ni j'ai envie de le faire, et pas non plus une introduction au marxisme, qui on aura la possibilité de visiter l'atelier de Eric sur la philosophie marxiste demain, mais j'aimerais juste dire quelques mots sur les différences des fondements théoriques du marxisme, de cette théorie de Laclau et de Mouffe. Ce qui est important, c'est que leur théorie, c'est une attaque contre le matérialisme historique. Ils rejettent ça et ils le remplacent par une théorie de discours post-structuraliste. Et cette théorie de discours post-structuraliste, elle fait à peu près toutes les erreurs que les erreurs des philosophies idéalistes que Marx à son époque avait déjà critiquées. Et par exemple, juste pour aller un peu vers le truc le plus important, pour Laclau et pour Mouffe, ce qui est important, c'est le sens que nous attribuons aux choses. Contrairement aux marxistes, pour eux, c'est pas important de savoir que les idées naissent dans des conditions historiques. C'est uniquement important de regarder quel sens nous donnons aux choses. Et on pourrait également dire que ce qui est important pour eux, c'est l'activité d'interpréter le monde. Et si je le formule de cette manière, je pense que la différence avec le marxisme devient claire assez vite. Probablement la plupart d'entre vous connaissent cette fameuse 11e thèse sur Feuerbach de Marx. Et là, il ne dit pas que les philosophes n'ont fait que interpréter le monde de différentes manières. Et ils ont eu raison, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut interpréter le monde de différentes manières. Évidemment, Marx, là, il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de manière différente. Ce qui importe, c'est de le transformer. Et ça ne veut pas du tout dire que la théorie pour les marxistes n'est pas importante, que l'interprétation n'est pas importante. C'est clair qu'elle est importante, mais elle sert à comprendre le mouvement réel de la société, le développement de la société dans ses contradictions, pour résoudre, pour dépasser ces contradictions par la pratique révolutionnaire. Et une des contradictions fondamentales dans cette histoire, c'est la contradiction de classe, la lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie. Mais Laclau et Mouffe ne s'intéressent pas du tout à ce développement historique réel. Ils ne s'intéressent pas à la façon dont l'histoire a évolué ou l'humanité a évolué à travers le temps. Ils ne s'intéressent pas au rapport que les êtres humains d'une époque déterminée doivent entrer pour produire, pour pouvoir survivre leur mise, pour pouvoir survivre les conditions objectives, comme les marxistes l'appellent, et qu'on ne peut pas juste choisir. Et les conséquences de ces... Ce rejet du matérialisme historique, il est catastrophique à mon avis, parce que pour nous, c'est ça qui rend explicable l'histoire. Et pour eux, ils ont, avec leur conception ahistorique et idéaliste, ils doivent rejeter même la possibilité de comprendre, d'analyser, de comprendre la société. Pour eux, les explications pour des phénomènes de développement développement sociaux ne sont pas possibles ou sont uniquement possibles si on regarde le changement dans le sens que nous attribuons au sens. Mais il faut bien poser la question, qu'est-ce qui produit un changement de sens finalement? Comment on arrive ou pourquoi on voit le monde d'une manière différente? Pourquoi on change dans notre conception du monde? Et Laclau et Mouffe, ils essayent de s'en sortir de cette impasse théorique avec, dans leur argumentation, avec une simple affirmation qu'ils ne justifient pas, qu'ils ne fondent pas. Ils disent que le discours ou le sens est toujours disputé. Pourquoi? Parce qu'il est toujours fondé sur le pouvoir, et le pouvoir, il provoque toujours sa propre résistance, ou la résistance contre le pouvoir. Une idée que peut-être vous connaissez de Michel Foucault. Mais il n'explique jamais d'où vient, qu'est-ce que le pouvoir, et d'où vient ce pouvoir. Et ils affirment juste que le pouvoir est là, c'est ça ce qui est déterminant, et il va toujours exister. C'est ça ce qui est important. Ils disent que le pouvoir va toujours exister. Ça a une conséquence pour la politique, parce que ils disent que, ou surtout Chantal Mouffe, elle dit que la société, parce qu'elle est fondée sur le pouvoir, elle est de manière inhérente, elle est conflictuelle. Du coup, il s'agit de trouver un cadre rationnel pour mener ces conflits. Ça signifie pour elle qu'il faut créer un cadre démocratique dans lequel les conflits doivent pouvoir s'exprimer. Un cadre qui permettrait, je cite, d'apprivoiser l'antagonisme de la même manière comme un dompteur apprivoise la force d'un lion, sans que la force de ce lion puisse être éliminée. Et je pense, à mon avis, c'est vraiment dans cette phrase, dans cette citation, on voit tout le débâcle de cette théorie post-structuraliste. Parce qu'avec un constat qui est à la base correct, que les démocraties et les institutions libérales traversent une crise, avec l'absence ou en absence d'une analyse matérialiste du développement de l'histoire, du capitalisme, d'une explication de la crise du capitalisme, il arrive à la conclusion ou à la revendication qu'il faut approfondir la démocratie au sein des institutions existantes. En d'autres termes, pour résumer, la crise de la politique libérale démocratique doit être résolue par un approfondissement ou par plus de la politique libérale démocratique. Et cette conclusion, elle est catastrophique parce que finalement nous vivons dans un temps dans une période où la faillite des institutions bourgeoises devient de plus en plus évidente, parce qu'on voit que la crise du capitalisme, dans la crise du capitalisme, il n'y a vraiment pas de solution au sein de ce système. Et ce que Mouffe demande, c'est de sauver ce système, d'approfondir ces mêmes institutions. Et c'est clair que pour Mouffe, cet antagonisme... finalement, où on peut voir que cet antagonisme, c'est également l'antagonisme de classe entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Et apprivoiser cet antagonisme, finalement, ça veut juste dire la paix sociale ou le compromis de classe. Ça veut juste dire qu'il faut dire aux travailleurs, mais... il faut juste être pacifique, il faut s'entendre bien avec les capitalistes, parce que de toute façon, on ne peut pas résoudre le conflit que vous avez les deux. Finalement, c'est ça la logique qui est derrière tout ça. On pourrait dire encore plein de choses sur l'absurdité des bases philosophiques de Laclau et de Mouffe. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ce fondement post-structuraliste, ce fondement théorique, il a la conséquence principale, ou on pourrait peut-être dire même l'objectif principal, d'abandonner la classe ouvrière comme classe révolutionnaire, comme sujet révolutionnaire, ou plutôt... Il s'attaque même à la compréhension marxiste des classes tout court. Je pense que vous avez déjà remarqué ça, que les dirigeants de à peu près tous ces mouvements réformistes de gauche, ou Mélenchon par exemple, ou également Sarah Wagenknecht en Allemagne maintenant, ils parlent délibérément du peuple. En opposition à la classe ouvrière, ils disent qu'il ne faut plus parler de la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle existe encore, selon eux, selon la classe Mouffe, elle n'existe même pas. Elle existe encore, mais c'est seulement un élément parmi d'autres. ce que nous on doit faire, c'est de construire, d'avoir une perspective plus large et de construire le peuple. Et la Clara Mouffe, il s'attaque surtout à à la conception de la classe ouvrière, parce qu'ils disent que c'est de l'essentialisme, et ils veulent dire par là que pour les marxistes, les classes ouvrières, c'est quelque chose qui est objectivement donné, que ça existe indépendamment de la volonté des personnes, et qu'à la position de classe est liée à un certain intérêt de classe. Finalement, que la classe ouvrière a intérêt, l'intérêt dans le dépassement du système capitalisme, donc dans le socialisme. Pour eux, c'est pas une vision acceptable, parce que finalement, ils disent que dans toute cette logique, si c'est uniquement le sens qui est important et pas la base objective, ça revient à la même chose, où ça va dans la direction où on doit dire que l'identité politique des personnes n'est justement pas le résultat de la position des personnes dans la lutte de classe, mais uniquement du discours politique, avec le résultat qu'ils affirment que finalement, toute personne peut avoir toute opinion, toute identité politique, indépendamment de leur appartenance de classe. Pour nous, pour les marxistes, je dois accélérer beaucoup, j'essaie, mais pour nous, les marxistes, les identités sociales ne sont pas non plus quelque chose de fixe. Ça, c'est un mythe de ces gens comme Laclau et de Mouffe. Ils ne reposent pas non plus sur une essence métaphysique. Les marxistes n'ont jamais dit ça. Ce que le marxisme explique, c'est que les classes sociales sont toujours une réalité aujourd'hui, une réalité déterminante, si on le veut ou non, ou si on est consciente ou non. Pour nous, il y a deux grandes classes principales dans le capitalisme. Il y a les travailleurs ou les salariés qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail, et s'ils veulent survivre, ils doivent vendre leur force de travail sur un marché de travail à un capitaliste. Et s'ils ne le font pas, ils ne vont juste pas pouvoir survivre. Ils ont besoin de ce salaire pour s'acheter les moyens de survivre. De l'autre côté, il y a les capitalistes qui ont du capital et qui ont la possibilité de s'acheter cette force de travail pour faire travailler ces travailleurs et pour s'approprier le produit final avec une plus-value, avec un profit, on pourrait également dire. Ce qui est important, c'est que toute la richesse de la société capitaliste est créée dans ce rapport d'exploitation entre les capitalistes et les travailleurs, et qu'il se pose toujours la question qui reçoit quelle part du gâteau de la richesse créée. Et cette lutte autour de la répartition ou la lutte autour de la plus-value est une lutte de classe. Et les capitalistes et les travailleurs dans cette lutte de classe sont des intérêts fondamentalement opposés et irréconciliables. Donc le rôle que les marxistes attribuent à la classe ouvrière, elle n'est pas juste arbitraire. Les travailleurs, ils créent par leur travail toutes les richesses de la société capitaliste, et avec par cette position, ils sont également le pouvoir de faire tomber la classe bourgeoise et de dépasser le système capitaliste. C'est la seule force qui a qui a ce pouvoir qui est en mesure de dépasser le capitalisme, justement parce qu'elle est en mesure de... Elle crée toutes les richesses. Elle est également capable, si on dépasse le capitalisme, elle est capable de continuer de produire ses richesses sans les capitalistes, sans les propriétés privées, sans le motif de profit, en planifiant démocratiquement qu'est-ce qu'on veut produire et qu'on produit pour nos nécessités et pas pour le profit. Également, il faut dire que contrairement à ce mythe qu'on entend souvent dans ces milieux académiques et réformistes de gauche, la classe ouvrière, elle est plus forte aujourd'hui que jamais. À l'époque de Marx, dans le 19e siècle, c'était encore une force minoritaire. Aujourd'hui, dans tous les pays avancés, la classe ouvrière est au moins 80% de la population totale. Et donc, elle est plus grande que jamais. Par ailleurs, les marxistes n'ont jamais affirmé que la classe ouvrière serait quelque chose de homogène et que leur position de la production signifie qu'elle aurait automatiquement une conscience révolutionnaire. Et là, j'aimerais bien citer le grand révolutionnaire Trotsky, qui disait déjà en 1932, donc vraiment quelques décennies avant que les postmodernes ont dit qu'il n'y a plus la classe ouvrière et que parce qu'elle est trop... elle n'est pas homogène, il n'y a pas d'intérêt de classe, elle n'existe plus. Il a écrit que une classe prise en elle-même n'est qu'un matériau pour l'exploitation. Le prolétariat commence à jouer un rôle indépendant à partir du moment où d'une classe sociale en soi, il devient une classe politique pour soi. Elle continue un peu plus tard. La classe n'est pas homogène, ces différentes parties accéderont à la prise de conscience par des chemins différents et à des rythmes différents. Et c'est très important parce que ça veut dire que la classe ouvrière, elle n'est pas juste, elle a pas juste une conscience de classe, elle n'est pas directement consciente de sa propre force. Qui réside exactement dans sa position dans la production. Elle n'a pas nécessairement la conscience qu'il faut dépasser le capitalisme et qu'il nous faut le socialisme. Pour nous, les marxistes, la conscience de classe qui est décisive, qui est ce qui importe, justement parce que les travailleurs doivent prendre la conscience que c'est à eux de faire tomber la classe bourgeoise et de construire un nouvel ordre. C'est pour cette raison que la conscience de classe est décisive et elle émerge dans la pratique de la lutte de classe. C'est là où les travailleurs ils se rendent compte de leur propre position et de leur pouvoir qui réside dans la production. Juste un dernier mot pour terminer, ça se passe pas non plus de manière automatique, c'est pas que les travailleurs avec leurs expériences dans la lutte de classe vont juste augmenter à chaque fois plus leur conscience de classe et comme ça on va arriver au socialisme ou à une classe ouvrière qui est consciente. On a déjà parlé avant de la nécessité d'une direction, on a déjà parlé de l'avant-garde, on a déjà parlé de la nécessité de construire une organisation, parce que finalement, c'est également il y a également le facteur de la direction des mouvements ouvriers est important. On l'a vu avec, avec l'exemple de l'Allemagne, que des idées ou des mauvaises directions ont une influence sur les masses de travailleurs qui, dans le cas de l'Allemagne, ont suivi le parti social-démocrate réformiste, finalement. Mais on peut également dire que maintenant, c'est la même chose avec cette direction de réformisme de gauche, avec, le, avec ce, toutes ces idées de... comment dire, du populisme de gauche, que ça c'est une théorie, ce sont des idées qui freinent le développement de la conscience de classe. Et c'est la tâche de nous, en tant que marxistes, de nous baser sur la théorie, de nous former et d'apporter dans ces mouvements une perspective claire qui ne freine justement pas la conscience de classe, mais qui augmente au contraire la conscience de classe. Merci.